À l'occasion des 60 ans de l'installation à Séoul par les États-Unis du commandement des forces onusiennes qui se trouvait à Tokyo, Japon, le porte-parole du Comité national coréen pour la paix a publié le 1er juillet une communication qui note, entre autres, « Il est de notoriété publique que les États-Unis qui ont déclenché en juin 1950 la guerre d'agression contre le nord de la Corée ont donné le chapeau de commandement des forces onusiennes à leur commandement des forces d'Extrême-Orient Séjong à Tokyo » et introduit à la guerre de Corée les forces de leurs satellites pour réduire en cendres tout le territoire coréen et massacrer cruellement les habitants innocents. En juillet 1957, ils ont installé en Corée du Sud ce commandement des forces onusiennes tristement célèbre par l'agression et le massacre pour internationaliser le problème de la péninsule coréenne et mettre sur pied une nouvelle OTAN de version asiatique afin de poursuivre plus ouvertement leur ambition sournoise pour la domination de la Corée et l'hégémonie mondiale. La 30e session de l'Assemblée générale de l'ONU, tenue en novembre 1975, a adopté le projet de résolution sur le démantèlement du commandement des forces onusiennes et le retrait des forces des pays satellites relevant des forces onusiennes. Pourtant, les États-Unis se sont démenés par tous les moyens pour les maintenir, avec des prétextes injustes. Surtout, au début du nouveau siècle, le transfert du droit de contrôle des opérations en temps de guerre a été mis à l'ordre du jour dans la montée de l'ambiance anti-américaine en Corée du Sud. Les États-Unis se sont évertués à renforcer le commandement des forces onusiennes pour continuer à détenir l'autorité de commandement suprême sur l'armée sud-coréenne, introduire rapidement les forces de leur pays satellite en cas de guerre dans la péninsule coréenne et établir leur suprématie militaire en Asie Nord-Est. Nonobstant, les présidents sud-coréens successifs ont prétendu que le commandement des forces onusiennes a été organisé de façon légitime selon la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, et surtout, la traîtresse Bakounet et sa bande ont fixé même la journée de la participation des forces onusiennes à la guerre de Corée pour la commémorer chaque année. Les actuelles autorités sud-coréennes aussi ont invité en Corée du Sud les anciens mercenaires des forces onusiennes à l'occasion des 67 ans du déclenchement de la guerre de Corée, pour leur exprimer des soi-disant respects et remerciements et les louer de leur esprit de sacrifice. Les États-Unis doivent démanteler sans plus tarder le commandement des forces onusiennes de nature illégale condamnées à la sentence capitale par l'histoire et se retirer immédiatement de Corée du Sud avec leurs forces d'agression et tous les équipements meurtriers, selon les exigences unanimes de notre nation et de la communauté internationale.